Décisio de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 3 au 9 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Oui, rebonjour Marie-Pierre. Rebonjour Mathieu. Tu vas bien? Oui, ça va mieux. Ton rhume, hein, il est parti? Non, pas tant. Semi, ça s'en vient. T'as eu une rechute? Oui, j'ai eu une rechute. Comme une alcoolique, calée. Incontrôlable. Cette semaine, ça n'a pas été bien côté chroniqueur. Hein. Myriam Fugère avait un rhume. Simon Fitzbé a se passé. Tout le monde rate à cause du rhume. C'est normal, ça arrive. T'es chanceux de t'en sauver. Tu le sais, hein? Dis pas ça trop vite, hein? Ça s'en vient sûrement. La semaine passée, les numéros 1 étaient du côté francophone Renard Frac avec le Sal Wave. Et du côté anglophone, c'était Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike. Mm-hmm. En nouvelles entrées, on a 5 pièces. On va entendre plus tard dans l'émission Antoine Corriveau, Au Bijou, The Cooks et Welcome. On va commencer avec la 20e francophone. C'est les Vulgaires Machins avec Et Même Si. Une nouvelle pièce de leur album acoustique. Et plus tard dans l'émission, reste avec nous parce qu'on a les instants classiques d'Assemblage Requis qui s'en viennent. Et tu vas nous parler du Festival de la Poésie? Oui, brièvement. Un petit retour. C'est plus tard dans l'émission. Amusez-vous, hein? Ouais. Mettez vos problèmes de côté, là. Je sais pas si, mettons, je prends un exemple comme ça. Mettons, t'es en train d'installer une carte son sur un ordinateur, mettons, puis que le pilote veut pas s'installer, mettons. Là. Mettons, là, juste un exemple comme ça. C'est pas ce que je suis en train de faire là, mais... On a eu peur, on a eu froid, on a rempli des salles vides. Et vider des salles pleines. On s'est brisé des doigts. On a signé des chèques. On a perdu la voix. On s'est fait lancer des bouteilles de Jack vide. Même s'il faut se dire adieu. Et même si le nuage résiste au soleil et les mohawks se délavent, mon cœur est encore en feu. On a mis de la poussière dans l'engrenage. On s'est fait voler des centaines de fois. On a écrit des tunes plates. On a menti aux médias. On s'est engueulé avec notre agent de presse. Mais on a fait la paix. On a transgressé des lois. On s'est fait fouiller aux douanes. Et même si le nuage résiste au soleil, même s'il ne reste plus rien, mon cœur est encore en feu. Une loge pleine de rats devant des chiens. Il fait moins d'humains que de chiens. Et on pognait des chocs. On a roulé 40 heures pour 40 minutes de spectacle. On s'est battu à main nue. Et insulter les masses. Et même devant l'adversité et le chagrin, si toute bonne chose a une fin, on est loin d'avoir fini. nouvelle entrée. Mettons, si j'avais pas été là pour partir de la prochaine pièce, mettons, qu'est-ce qui serait arrivé? Rien du tout. T'aurais fait comme « Ah, y a rien en nombre! » C'est ça qui serait passé. Donc, position numéro 20 qu'on vient d'entendre du côté anglophone, c'est Wilco avec « I Might » sur leur album « The Whole Love ». Et du côté francophone, c'était les Vulgaires Machins et « Même si ». Et voilà. Mais « Même si ». Et « Même si ». Je suis arrivé à temps, il restait 20 secondes. Ouais. J'avais le temps. Donc, position numéro 19, encore deux nouvelles entrées. Du côté anglo, ce sera The Kooks avec « Is It Me ». Et du côté francophone, Antoine Corriveau avec Distance Usuelle. Oui, artiste adoré et régional, local. De Trois-Rivières. On l'écoute. Trois. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ouais. Downtown TR. Uh-huh. De tout parler assez fou, 89 FM. Garde le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Garde tes distances, je n'ai pas envie de reprendre le combat où je l'ai laissé dans mon ancien appartement.

La formation au bijou avec Niagara en position numéro 18 du côté anglophone. Et du côté francophone, on a sauté la position numéro 18. C'était Peter avec Tergiverse. Peter avec oui. Tergiverse. Et la jolie cœur de pirate qui chante là-dedans aussi. Mais on l'entend pas cette semaine, on l'écoute toutes les semaines. Dans Peter. Oui, dans Peter. C'était qui chante avec la voix de fille. Ouais. Le gars, c'est Peter. Ça. Bon. Mais au bijou, je trouve pas ça mauvais. Non, c'est bon. Ouais. C'est très bon. La voix de la fille, dans la vie, peut-être, des fois, peut-être pourrait être gossante. Mais en vrai, dans une chanson... Ça sonne bien. Ça sonne très bien. Ouais. On saute par-dessus les numéros 17 du côté anglophone. Ce serait National Parks Project avec Long Time Before This. Et du côté francophone, c'était Métagruau avec Jupiter. Voilà. Métagruau, qui, on se le rappelle, dans les dernières semaines, était au top du classement. Oui, mais là, ça a redescendu pas mal. C'est comme une astéroïde qui viendrait s'échouer sur une... Quelque chose, une affaire de... Un bol de gruau. C'est ça, là. C'est ça. Quelle belle analogie, j'adore ça. On va l'entendre les positions numéro 16 à la place du côté anglophone. On entendra Darlings of Chelsea avec You're Not et Rolling Stone qui monte de deux places. Et en 16e francophone, c'est Erewhon avec Le Roi. Et après ça, on parle de poésie. Oh oui. Oh oui. Rock and roll. Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone monte de deux places en position numéro 16 anglophone. Et en 16e francophone, toujours en 16e position, c'est R1 avec Le Roi. Oui, Le Roi. Toi, t'es la reine de la poésie, je pense qu'on pourrait... Je suis pas la reine de la poésie. Mettons que je suis une... Un sujet. Adepte. Ouais. Fanatique, amateur, non, amatrice. Pas à ce point-là. Tu sais, c'est pas du fanatisme, là. Je vous pas un culte à la poésie, là. OK, c'est juste ça. Que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ouais. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? On s'entend là-dessus. Tu veux nous parler du festival de la poésie qui a lieu là? Il y a lieu là. En ce moment même, il se passe des festivités, sérieusement. Je ne le crois pas. Oui, crois-le pourtant parce que c'est vrai. Mm-hmm. Le Festival de la poésie, donc le Festival international de poésie de Trois-Rivières, qui est déjà qui a commencé la fin de semaine passée. Et ça se termine ce dimanche, le 9 octobre. Donc, il reste à peu près 3 jours et demi de festivités. Autour de 3 jours de festivités. Il y en a plusieurs à venir, mais avant de vous parler de ce qui s'en vient, j'ai envie de vous parler de moi, ce que j'ai vu samedi la semaine passée au Festival de la poésie. J'ai été au Zénob. Il y avait une lecture de soirée, de fin de soirée. Et bon, tu y vas toujours là en t'attendant à entendre des bons poèmes, des poètes très différents les uns des autres. Puis, on est toujours servi, OK? Je te jure. Le premier poète qui s'appelle Marius Daniel Popescu, c'est un poète de Suisse. C'est probablement un des poèmes les plus drôles que j'ai entendu de toute ma vie. C'est un poème qui était vraiment très, très drôle. Il parlait... je veux même pas vous en parler. Il faut que vous ayez voir ça parce que il va être là ce soir. Ce soir jeudi à 8h30 au Zénob. Je sais pas s'il va faire le même poème, là. Moi, j'y retourne ce soir. Je sais pas s'il va faire le même, mais j'aimerais vraiment ça qu'il le fasse parce que c'était cocasse, là. Et il y avait également le poète italien Claudio Posani qui, lui, était traduit. Donc, c'est quelqu'un qui a lu ses poèmes en français avant. Et lui, il les a lus en italien. Et ça avait un côté très ludique. Ça avait un côté performance parce qu'il faisait participer la foule. Puis en même temps, il tapait du pied sur un rythme. Donc, ça avait quelque chose de musical en même temps. Donc ça, ce serait mes deux coups de cœur. Et lui aussi, Claudio, sera là ce soir. Donc, c'est vraiment ce soir une bonne soirée pour y aller, je crois. En tout cas, il y en a au moins 2 poètes sur 8 qui sont excellents. Okay? Et pour les prochains jours, il reste beaucoup d'activités. Il reste entre autres des soupers poésie, des brunchs poésie, des déjeuners poésie. Donc, un peu partout dans les restaurants de Trois-Rivières. Il reste également des rendez-vous avec un poète. Donc, c'est allez voir sur le fiptr.com pour plus d'informations. Il faut que vous preniez un rendez-vous avec un poète si jamais vous voulez travailler des poèmes que vous avez déjà. Il y a également des ateliers d'écriture qui sont ouverts. Il y a des récitals de soirée au Zénob, donc comme moi, j'assistais la semaine passée. Et ça, c'est tous les soirs à partir de 8h30. Et également, ce soir, c'est les 12 hommes rapaillés. Ce soir, jeudi. Jeudi. C'est les 12 hommes rapaillés à 20h à la Maison de la Culture et c'est 21$. J'ai aucune idée s'il reste des billets. Informez-vous, ça se pourrait très bien qu'il en reste. Donc, pour plus d'informations, fiptr.com. Le fiptre. Le fiptre. Mais aussi, ce qui est le fun, oui, il y a le Festival de poésie, mais il y a également le Festival de poésie, oui. Donc organisé par un petit poète underground, si je ne me trompe pas. Oui. Samedi 20h, il va y avoir une soirée de poésie au Maudit, sur la rue Champlain. Ce sera une lecture publique de poètes émergents. On nous dit de poètes émergents ou non, et des auteurs publiés ou non. Donc, ça va être très varié. Sûrement une très bonne soirée. Tout à fait. Voilà. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Ouais. Vous êtes toujours au Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On vous offre le top 40, le top 20 franco, top 20 anglo, les pièces, les chansons les plus appréciées des animateurs et animatrices de C'est fou. Hein? Dit de même, ça a l'air quasiment bon, ça. Mm-hmm. Ben, celle-là. Position numéro 16, anglophone, on va l'entendre. Non, on l'a déjà entendu, excuse-moi. 15 positions. 15e position. 15e. Côté anglophone, Man Man avec Knuckle Down qui descend de 3 places. Et du côté francophone, qui fait une remontée de 4 places, c'est Marc Derry avec Welcome. Tu peux me dire, suis Mathieu. Suis Mathieu, suis ah oui. Mathieu. Suis l'ordre. Ah ouais. Ben oui, paye sur le piton, là. Le temps s'arrête,

Madman avec Knuckle Down, position numéro 15, ça descend de 3 places et c'est sa 9e semaine, donc une pièce vétérante, on pourrait dire. C'est, ça commence à être long, 9 semaines, non? Puis en plus, c'est Madman, donc c'est comme x2, c'est comme ça fait 18 semaines, je pense. Ouais. Ça marche pas de même. Hein? Non, ça marche pas de même. Okay. Et juste avant, c'était Marc Guéry avec la chanson Welcome, qui est à sa 2e semaine dans le palmarès. T'étais surprise tantôt d'entendre du Marc Guéry assez fou? Ben oui, on dirait Marc Guéry. Pop commercial un peu. Ouais, ben, il n'a pas déjà été à Star Academy. Peut-être. En tant qu'invité. Mais il a recommencé à faire de la bonne musique, il faut croire. Hein? C'est comme ça. C'est dans le palmarès. On aime ça. Moi, j'aime ça. C'est une surprise. C'est correct comme ça. La chanson est bonne. Exact. Alors, on va l'entendre les positions numéro 14 à l'instant. Du côté anglo, c'est Chad Van Galen avec Replace Me. Ça monte d'une place. Et du côté francophone, c'est Charlie Foxtrot avec Éternel Pessimiste. Et restez là parce que plus tard dans l'émission, les instants classiques d'Assemblage Requis s'en viennent. Oui. Que de mentions de tous les rhumes de tout le monde là-dedans. Hein? Ben du monde malade dans l'émission. Ah, OK. Pourquoi t'essayes pas, t'as pas commencé, t'as abandonné déjà. Allez on verra bien c'est quoi le résultat. Ah oublie ça, ça marchera pas. Tout le manque de confiance en toi qui t'a fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Faut prendre une chance, allez, pourquoi pas. Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, là, mais je pense pas. Numéro 14. Chad Vangelam avec la chanson Replace Me. C'est en 15e position. Dur à dire, hein? Chad Vangelam. Ben, j'étais plus sûre si c'était, la chanson était finie. C'est plus ça. Ah, donc, oui, avant Chad Vangelam, c'était Shelly Foxtrot avec Éternel Pessimiste qui monte une place. Puis un éternel pessimiste. Ça monte. Ça monte une place, mais ça fait 5 semaines que c'est là. Quand même. Respectable. Quand même. Il nous reste les positions numéro 13 à entendre dans cette première heure. Tout à l'heure, il y aura The Jolts avec I Wanna Dig Where the X's Are qui monte d'une place. Mais juste avant, c'est OK Volca avec Factor Top. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. C'est un éternel pessimiste. Pas cette chanson-là. Non. Elle finit ça. Oui. Ouais. Down the night, say you're real sweet and a bad news. The Jolt, c'est I Wanna Dig Where the X's Are. C'est la position numéro 13 et ça monte d'une place. Juste avant, c'était Oki Volka avec Factor Temps. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas là la vérité? On se retrouve tantôt pour une deuxième heure avec Gatineau, Kid Sentiment, Doug Day, Young Galaxy et Timber Timber. Et aussi, les meilleurs moments d'Assemblage Rocky. Oh oui. La meilleure affaire, ça, hein? Hein? Ça, ce serait number one. Si, mettons, t'avais à le qualifier sur une échelle de 1 à 1, finalement, parce que c'est pas mal la seule affaire qui n'est pas palmarès. Dans... Ça n'a ouais. pas sens, hein? Et ton affaire de poésie qui serait comme numéro 1. Ah, laisse donc faire. Allez. Hey! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. De retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 3 au 9 octobre 2011. Et je suis en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et lui, c'est Mathieu. Merci. Un peu moins de conviction, mais quand même. Donc, cette deuxième heure débute, Marie-Pierre, par les positions numéro 12. Oui. En 12e position anglophone, ce sera Okkerville River avec Ryder. Mais on débute avec Kid Sentiment, voici. Tu n'aimes pas me voir à la télé. C'est de même, hein? C'est une phrase avec un verbe et un et tout, là. On pourrait mettre un point à la fin du titre, là. Pas de point. Pas de point? Non. OK.

C'est ça, le Fucktober. Bref, assemblage requis lundi au jeudi, sauf la semaine prochaine, vous l'avez compris, mardi au jeudi, entre 7h et 9h. Par contre, lundi, on va être là quand même. Là, il va y avoir quelque chose en ongle. Ça va être nous autres sûrement en train de dire des niaiseries de la semaine passée. Mais c'est pas grave, ça. C'est le fun. Donc, soyez-y. Avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, et allez télécharger les balado-diffusions et voir les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Bon. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou, et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Oui, Mathieu Plante, ça c'est moi. On continue avec les positions numéro 11. Du côté anglo, ce sera Dog Day avec Daydream qui monte de deux places. Et juste avant, oui. Finalement, ce sera Gatineau avec de l'importance d'être content. Tantôt, on a appris par Marie-Pierre que c'est ça son moment préféré de la semaine, c'est d'aller entendre Gatineau. Mais moi, je pensais que toi, tu insinuais que c'était mon moment préféré de la semaine parce qu'on t'est rendu à dire ça. Ton moment préféré de la semaine, hein? C'est toujours ce que je te présente. Tu sais? Oh. Non? OK. À partir de maintenant. Bon, on va faire semblant toutes les semaines à ce temps. OK. C'est ça? Carl. Moi, là, je vais te mettre à ma main. Tu vas tout aimer ce que je fais. Tu vas détester ce que les autres font. Puis, Non? Non. Non? Ça marche pas de même. T'es ta propre personne et t'es capable de faire tes opinions toi-même. Voilà. Gatineau, tout de suite, 89.1 FM. C'est quoi la pièce déjà, tu disais? De l'importance d'être constant. De l'importance d'être constant. J'aime ça. C'est bon, cette chanson-là. Mm-hmm. Donc, j'ai dit tout, aujourd'hui, je suis dedans. J'te down, down, là-bas, mais là, je suis dedans. Donc, j'te dis tout, aujourd'hui, je suis dedans. J'te down, down, là-bas, mais là, je suis dedans. J'suis en tracé une ligne pour la suivre jusqu'au bout. Suivre ce que je m'assigne sans m'écarter de la route. J'vais lâcher la viande pour me mettre aux légumes. Me mettre des pâches parce que c'est que j'fume. Aujourd'hui, j'm'y vais, j'm'y mets pour de vrai. Aujourd'hui, j'suis prêt, j'suis prêt pas à peu près. Aujourd'hui, j'm'y mets pour de vrai. Aujourd'hui, j'lâcherai pas, j'suis presque prêt. L'important, c'est constant. J'ai commencé pousse, mais je l'ai pas fini. Commencé une diète que j'ai pas réussi. Arrêtez de boire, hein, pour me ramasser fini. Mise à l'exercice pour me ramasser Vénétie. J'ai eu goût par le ménage, mais j'ai fait autre chose. Commencé le forêt, mais je l'ai mis sous pause. J'ai eu une sorte d'idée, genre de projet grandiose. Mais j'ai dû oublier de quoi il s'agissait, je suppose. Yeah. C'était Doug Day avec la chanson Daydream. Et juste avant du côté franco, on a entendu Gatineau avec de l'importance d'être constant. C'est peut-être pas ma chanson préférée, mais je dirais, Mathieu, que c'est la tienne. Hey, ben sérieusement, c'est ton moment préféré. Et que j'aime ça, Gatineau, tout le temps, à chaque fois. Et celle-là est particulièrement bonne, surtout les points, entre les. Entre quelques chants. Vous auriez dû voir ça, Mathieu, il était très content. Très content. Donc ça, c'était la position numéro 11 qui montait de 2 places, 4e semaine de présence. On sera en 10e place tout de suite. Comme ça, on a déjà parcouru le milieu du palmarès. On est comme au point de sauvegarde. Déjà. Du côté anglophone, la 10e position est occupée par Young Galaxy et Peripheral Visionaries. Et du côté francophone, qui a descendu de quelques positions, c'est Monogrenade avec Immobile. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! Passer à côté de moi, je vais rester planté là, immobile. Le temps fait si bien les choses, je veux rester avec toi. We inhabit Young Galaxy, j'adore cette pièce-là. C'est Peripheral Visionaries. C'est la position numéro 10. Ça monte de 9 places et c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'était Mono Grenade avec la chanson Immobile. Oh que oui, oh que oui. Vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On vous offre le top 40, le top 20 francophone, top 20 anglophone. C'est les pièces les plus appréciées de qui ça, Marie-Pierre? Des animateurs de C'est Fou. Mais il y en a donc bien de ces gens-là. Toute la grille horaire, tout le monde a son mot à dire. Non, mettons qu'il n'y a pas vraiment de processus là-dessus. Là, c'est un petit peu n'importe quoi, mais quand même. Allez voir sur le cifou.ca pour le palmarès complet, si ça vous intéresse. Et allez voir sur assemblagerequis.com. Si jamais vous ratez l'émission, elle va être disponible à partir du lendemain de l'émission. Sur Internet, comme ça, à écouter n'importe quand en semaine. Pratique quand même. Oui. Et puis sinon, ben, si vous n'avez pas Internet ou que vous ne voulez pas gaspiller votre bande passante sur nous autres, bande d'ingrats, vous pouvez réécouter les palmarès le vendredi soir à 17h et le lundi à 13h. Bon, c'est dit. On n'a rien à dire d'autre que ça. Du côté anglophone, la position numéro 9 sera Timber Timber avec Lonesome Hunter qui descend de 3 places. Et du côté francophone, c'est les Breastfeeders avec mes lunettes noires. L'accent trifluvien sort ici. Non. Non? Non. Trois-Rivières. Non, comment on parle à Trois-Rivières, mettons, là, ceux... Mais c'est pas pour généraliser, mais il y a certaines personnes qui vont dire Trois-Rivières ou Bobé, René. C'est l'être en maudit. René. Oui. Mon ami René, oui. C'est ça. Voilà. Ils vont boire un verre de là. Dans leur lit. Je sais pas, par exemple. Ils vont aller en ville sur le boucher. Bon. Donc, Breastfeeders. Les Breastfeeders, mes lunettes noires tout de suite. Ça. Belle discussion sur l'accent trifluvien, ça. La culture! On vous parlera ici. Hein? Mettons. Est-ce que c'est... Je pense que c'est pas elle, par contre. C'est l'autre après. Celle-ci. Ah, là, je la reconnais. Ah, là, oui. some kids cross a line. I'm afraid I'll never understand, baby. And I'm so sorry you had such a bad time. Well, I have done some truly awful things, and you must be very terrified. Well, you have every reason to be frightened, since you've been reading my mind. Who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Well, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell you held me under. Oh yes, every heart is a lonesome hunter. Avec Lonesome Hunter. Ah. Et d'ailleurs, si vous pouvez aller les voir en spectacle, Timber Timber, ça vaut vraiment la peine. Tu l'as fait, ils ont joué cette chanson-là? Oui, ils avaient joué cette chanson-là. Ouais. Un beau moment, voilà. Avant Timber Timber, c'était les Breastfeeders avec mes lunettes noires qui montent de une seule place sur l'album Dans la gueule des jours. Alors, on est rendu au position numéro 8. Du côté anglophone, il y aura Dan Mangan avec Oh Fortune, ça c'est stable. Et du côté francophone, une belle remontée de la 17e position à la 8e position, c'est Salomé Leclerc avec la chanson « Tourne encore ». À part Dalmengen, il n'y a rien de stable. Bizarre, pareil, tout a bougé. Eh bien, c'est rare quand même. Vous êtes au Val-Bar assez fou au 89 FM où on est impressionné par des choses vraiment pas super impressionnantes. Hein? On s'en fout, en fait, que c'est juste une affaire de stable, mais bon. Rien de mieux à dire. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux.

no choices, bring voices, 'cause out please be merry when I am buried in the ground. Nice to have the kids around. Dan Mangan avec la pièce Oh Fortune, stable en 8e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Salomé Leclerc avec Tourne encore. Moi, j'ai entendu dire, Marie-Pierre, que tu t'en allais. Ben oui. Puis je suis triste. Pleure pas. Ben là. Je suis désolée, Mathieu. Non, c'est pas grave, t'as de la vaisselle à faire. Oups. Oups, il fallait pas dire ça. Non? Ouais, tu ménages. Ah. Mais ouais. Tu sais, quand t'es pas encore en une session, mais. Non. Tes journées sont prises tout le temps. À un moment donné, il faut que tu le fasses. Ben oui. Voilà. Arrête de remettre tout à plus tard. Mm. Donc, amuse-toi. Grosse partie de plaisir. Amuse-toi toi aussi, Mathieu. Mais tu vas avoir bien. Plein de bonnes chansons. Merci, c'est vrai. Et toi, tu vas pouvoir les écouter à la maison en train de faire ça. T'sais. C'est oui. Ça, le bonheur des palmarès, c'est fou. Ça s'écoute 3 fois par semaine, pendant 3 heures chaque. Tu peux écouter 9 heures de palmarès si tu veux. Ça va être toujours la même chose, mais... Un peu, mais bon, c'est pas grave. On pourrait les rediffuser dans un ordre différent. On pourrait mettre tous les blogs de l'émission dans un désordre total. Ça serait super cohérent comme émission. Ouais. Donc, écoutez-nous en direct les jeudis entre 14h et 17h. On est en rappel les vendredis à 17h et les lundis à 13h. Marie-Pierre, note ça, là. Bon. C'est noté. C'est noté. Est-ce que tu veux m'aider à présenter le prochain bloc avant de partir? Ben oui. Ben oui. Du côté de la 7e position anglophone, c'est Library Voices avec If Raymond Carver Was Born in the 90s. Et du côté francophone, c'est Philippe B. avec Petite leçon des ténèbres. On écoute ça et à la semaine prochaine, Marie-Pierre. À la semaine prochaine. Bye. Nous, on reste ensemble. Les palmiers, partez pas, là. Je vous check. Je vous vérifie. Non, je vous surveille. J'ai dormi longtemps comme un volcan. J'ai dormi longtemps, mais t'as trouvé la faille dans mon flanc, la faille dans mon flanc. J'ai fermé les yeux, serré les dents. J'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé couler le sang. Dormais encore quand t'es parti. J'ai dormi trop tard. J'ai pas senti glisser ton corps et s'éloigner nos vies. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit. J'ai crié ton nom et mon écho, oh oh, m'a renvoyé la nuit. J'aurais jamais imaginé que le départ de Marie-Pierre m'aurait chamboulé comme ça. Je n'ai pas fait jouer la bonne pièce.

Lottery Voices et If Raymond Carver Was Born in the 90s en position numéro 7, ça descend de 5 places. Et avant, on a entendu Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres qui monte de 5 places. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est fou, mais on se retrouve tantôt avec le top 6 de chaque côté. On va entendre, entre autres, dans Reine de France, Galaxy, Bradycardi, Bravo Funken, Renard Fac, Malajeu, Beryl Brad, Pac Haley, Camp Radio et Friska Villehall. Restez là, c'est des Palmarès C'est fou! Bonjour, c'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante, seul pour l'instant. Marie-Pierre Laforge-Bourret est partie. Va de retour la semaine prochaine. On commence la troisième heure avec les positions 6 et 5, mais on va sauter une chose. Mais on dit une chose à la fois. Commençons par mentionner les sixièmes places. Du côté anglophone, c'est Mother Mother avec Problems qui descendent une. Mais tout de suite, voici Reine de France qui monte de la onzième place. C'est Toxic Tuxedo au 89.1 FM. C'est les Palmarès C'est fou. I'm a loser, a disgrace. Yeah, I 5. Galaxy, Requin Tigre, stable en cinquième position francophone. On saute par-dessus la cinquième position anglo. C'est Jean-Leloup et The Last Assassins avec The Wheel qui descend de deux places. Alors, on a entendu les sixièmes. En anglo, c'est Mother Mother avec Problems qui descend d'une place. Et Reine de France en franco avec Toxic Tuxedo qui monte de la onzième. On est rendu aux quatrième places maintenant. Du côté anglophone, c'est Friska Vilhor avec Larionov. C'est stable en quatrième. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plutôt dans l'émission, je me disais qu'il y avait rien stable cette semaine. Il y en a plein d'affaires stable. Côté francophone, ça descend de deux places. Voici Brady Cardi, formation locale avec Et si jamais au palmarès c'est fou. 89 FM. Comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? numéro 4. Avec Larionov stable en quatrième place anglophone et c'est sa quatrième semaine donc ça fait vraiment 4-4-4, c'est merveilleux. Du côté franco, ça descend de deux places. Bradycardie, formation locale avec Et si jamais et leur album s'appelle aussi Bradycardie. En troisième place, on retrouve, malheureusement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle d'arrêt en partant. Les deux positions numéro 3 sont nos numéro 1 de la semaine passée. Donc, ils ont descendu de deux places tous les deux, c'est triste. Du côté anglophone, il y aura Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike. Mais commençons du côté francophone avec Renard Frac et le Sal Wave. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Plus de plats et nous suçons et nous pensons qu'on doit tout. numéro 3. Camp Radio et The Girl Who Stole My Motorbike, l'ancien numéro 1, anglophone maintenant en troisième place. Même chose du côté franco, l'ancien numéro 1, Renard Frac avec le Sal Wave qu'on a entendu juste avant et maintenant c'est en troisième francophone. On est rendu aux deuxième place des palmarès, c'est fou, on a des nouveaux numéro 1. C'est ça l'affaire tantôt, là. C'est, attendez un peu, vous allez avoir les numéro 1, ça va être comme « Wow, malade, tout le monde capote ». Donc numéro 2, anglophone, c'est Elliot Brad avec Northern Air, ça monte de 14 places. 14 places. Il me semble que c'est rare qu'on dise 14 places vers le haut. Mais avant ça, Malajube qui monte de 4 places. Voici sur leur album La Caverne, la pièce Sensu au palmarès, c'est fou. Et ça, c'est au 89.1 FM. Et c'est un bon hiver. numéro 2. We can see you there. Northern Air de Elliot Broad sur l'album Days into Years au palmarès, c'est fou sur le 89.fm, mais bien évidemment, ça pourrait pas être ailleurs, ça. Hein? Il joue pas de la bonne musique comme ça, yeah. On est rendu au prochain numéro 1, mais je pense qu'avant ça, étant donné qu'il nous reste encore une demi-heure et qu'on va avoir du temps pour retourner en arrière et écouter ce qu'on a sauté plutôt dans l'émission, hein? Ouais, on va prendre une petite pause, puis on revient avec plein d'autres bonnes musiques. C'est là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est toujours les palmarès. C'est fou. Il nous reste une dernière demi-heure, environ 25 minutes ensemble. Il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre officiellement. Sinon, après ça, on va retourner en arrière et entendre plein d'autres choses. Peut-être même des pièces du top 30 des CD. J'aimerais bien ça. Donc, position numéro 1 anglophone. Ah, j'oublie tout le temps, chaque semaine, c'est les jeux de mots. Jeux de mots que j'ai pas regardé ma feuille avant parce que c'est comme ça. J'aime pas ça apprendre mes jeux de mots par cœur Rubik. Hein? Est-ce que quelqu'un la comprend? Personne sauf moi, c'est super. Vous pouvez me féliciter si vous la comprenez. Dites-moi bravo, bravo, bravo, Funken. Genre, bravo, Funken avec la pièce cœur Rubik, hein? Du côté francophone. T'sais, je veux pas vous, tout vous dire. Je veux pas être comme là, comme en arrière de votre épaule, comme un fantôme qui vous hanterait et qui vous dirait les réponses à mes jeux de mots « Haunt you » par The Pack ID, c'est le côté anglophone. Hein? Les jeux de mots sont faits, comme ça, sans avoir regardé, et à chaque semaine, j'accomplis quelque chose, comme on pourrait dire, un paquet de jeux de mots. The Pack ID, hein? C'est le nom du groupe. Hein? Bon, voilà. Mon travail est fait. M'en retourne chez vous. Je les réexpliquerai après pour ceux qui ne comprennent pas. Correct. C'est pas ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais comprendre ton tonnerre thoracique. J'aimerais apprendre ton cœur rubique. Ah, C'était les positions numéro 1 des deux côtés pour les palmarès C'est fou de cette semaine. Mais avant de dire les numéro 1, on fait un petit récapitulatif de chaque côté. En anglophone, en troisième, c'était l'ancien numéro 1, Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike. En deuxième, ça montait de 14, Northern Air par Elliot Broad. Et en première, ça monte de 6, Haunt You de The Pack AD. En francophone, Renard Frac est en troisième avec le Sal Wave. En deuxième, Malajub avec Sansu. Et en première place, ça monte de 19 positions. Donc vraiment, c'était nouveau la semaine passée en 20e. Et là, ça a monté au numéro 1 d'un coup sec. Bravo Funken, Cœur Rubik sur leur maxi, qui s'appelle aussi Cœur Rubik. Seulement 3 pièces, 4 pièces là-dessus. Ouais, c'est vrai. Voilà donc pour les palmarès presque complets. On a sauté par-dessus quelques trucs en début d'émission. Donc, on va aller entendre deux de ces pièces qu'on a sautées. Tout à l'heure, on entendra Peter avec Tergiverse, qui est stable en 18e place. Mais on débute avec National Parks Project en 17e position. Anglophone, voici Long Time Before This. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Je tergiverse entre le sud et le nord.

Jean-Loup et The Last Assassins avec la pièce The Wheel en cinquième position anglophone. C'est une pièce qu'on avait sauté un petit peu plus tôt dans l'émission. Et avant ça, on a entendu, il y avait Peter Peter avec Tergiverse qui est stable en 18e franco. Et puis, on a aussi entendu National Parks Project avec Long Time Before This en 17e position anglophone. On aurait pu rien sauter aujourd'hui et tout aurait rentré. C'est très, très rare que ça arrive, mais que voulez-vous. Donc voilà pour les palmarès C'est fou de la semaine du 3 au 9 octobre 2011. Si vous nous écoutez en direct le jeudi entre 14h et 17h, ce qui s'en vient, c'est La Spirale plus tard dans la soirée à 18h. On est rediffusé les vendredis entre 17h et 20h, ce qui après nous, c'est Les Lutins de l'Enfer avec du métal. Et puis on est le lundi entre 13h et 16h, ce qui après nous, c'est Le Boudoir avec de la musique émergente. Que de bonnes émissions partout dans la grille horaire. Allez voir le cfou.ca pour plus d'informations. On va se quitter avec une pièce du top 30 des CD et on retrouve là-dedans en nouvelle entrée en 30e place l'album Metals de Feist. On va entendre sa pièce Sea Lion. C'est ce qui s'en vient. Passer une excellente soirée, journée, semaine. Et puis revenez-nous jeudi prochain à 14h en direct. Bye bye. She loves and rules the code. She loves. See that.